Salut, salut. Je suis un Auvergnat, je suis fier de mon pays, je suis un Auvergnat. Je suis un Auvergnat, oh, que c'est ça, l'idée. Bonsoir, c'est Johnny. C'est content de se faire. Thank you. mon franglais. Je n'ai pas de batterie. libre Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. C'est libre Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Jean Boyard. Jean Boyard. Pierre Fourasse.